Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Je devrais prendre ma retraite. Cette enquête s'enlise. Holger, je suis certain que Lisbeth n'a rien à voir avec ces meurtres. Je pense que le coupable s'appelle Salatchenko. Alexander Salatchenko. C'est le père de Lisbeth. Quoi ? J'ai l'impression que cette histoire est encore plus tordue que ce qu'on imaginait au départ. Salah n'a tué personne. Je veux tout savoir. Quand on m'a confié son cas, Lisbeth n'était pour moi qu'une jeune à problème parmi d'autres. C'était la première fois qu'un membre important de la GRU passait à l'ouest. Une mine d'or. Lisbeth, qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est pas Salander qui a fait tout ça. J'y croyais au départ, et plus maintenant. Moi non plus. Chaque fois qu'elle a essayé d'alerter les gens autour d'elle, sa situation a empiré. Salah, c'est Björk. J'ai des choses très intéressantes à te raconter. Lisbeth avait 12 ans. Elle a craqué une allumette. Treizième épisode. Un mail de Plumansky à Extrême. Les accusations contre Lisbeth Salander se fondent sur un seul indice, ses empreintes sur l'arme du crime. Elle prouve qu'elle a manipulé l'arme, mais pas qu'elle s'en est servie. Nous savons aujourd'hui que deux acteurs sont impliqués dans ces meurtres. On a trouvé deux corps enterrés près du hangar calciné. On sait maintenant que ce hangar appartient à un cousin de Maggie Lundin. Il est évident que malgré sa violence et quel que soit son profil psychologique, Lisbeth Salander n'a rien à voir avec tout ça. J'en viens donc à l'objet de mon mail. Il faut réorienter nos recherches pour trouver les coupables. Sans quoi je demanderai être déchargée de cette enquête. Ce qui, je vous préviens, risque de faire du bruit. Ça bouge, on dirait. Un message à Michael. Lisbeth, prends immédiatement contact avec moi. Je sais qui est Salatchenko. Je sais qui est Salatchenko. Holger Palgren m'a tout raconté. J'ai compris le rôle de Teleborian et pourquoi c'était si important de t'enfermer. Je crois aussi savoir qui a tué Dag et Mia. Et pour quelle raison. Laisse-moi t'aider, Lisbeth. On peut résoudre tout ça. Pauvre Michael. Tu veux m'aider? Tu comprends pas que pour moi c'est foutu. Déjà quand j'avais 13 ans c'était foutu. Il y a plein de choses que j'aimerais te dire. Michael. Michael. Lisbeth Salander amoureuse. Je rêve. Mais non. Je te dirai rien. Plaisir. Michael, merci d'avoir été mon ami. Merci d'avoir été mon ami. Mais merde, merde. C'est quoi ce message d'adieu à la con? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? On est fermé. Je suis pressée. File-moi le registre des véhicules loués. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Maintenant, t'as 10 secondes. Oui, oui, c'est dans l'ordinateur. Ouvre le fichier. Très bien. Lève-toi. Allez, entre là-dedans. Mais je peux pas. Allez, entre. Attends. Sors ton portable d'abord. Pose-le par terre. Bien. Une Volvo blanche immatriculée WOM325. Je l'ai. Connard de géant blond. Je vais bientôt connaître ton nom et ton adresse. Ronald Niedermann. Allemand, 35 ans, né en Bourg. Où est-ce que tu ranges tes contrats de location? Dans le troisième tiroir, en bas, à gauche. C'est dans le classeur bleu. Niedermann. L. M. M. Niedermann. Merde. Pas d'adresse. Juste un téléphone portable et une boîte postale avec Göteborg. Tu m'entends là-dedans? Oui. Tu sais qui je suis? Oui. Ok. T'inquiète. Je veux pas te faire de mal. Désolée pour tout ça, mais t'aurais dû me donner l'info que je cherchais quand je t'ai appelé la dernière fois. T'as assez d'air pour respirer? Oui. Et qu'est-ce que vous vouliez? Vérifier un truc. Écoute-moi. Tu vas réussir à enfoncer la porte. Ça va te prendre un peu de temps, c'est tout. Pas la peine d'appeler les flics. Tu me reverras plus. Je te promets. En route pour Göteborg. Bonjour Myriam. Ça va mieux? Un peu mieux. Vous vouliez me voir? C'est Lisbeth. Elle est passée cette nuit. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé. Qu'elle avait des choses à régler. Michael, j'ai peur. Si elle s'est mis en tête de retrouver ce monstre, il la tuera. Tenez. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Je les ai retrouvés par terre ce matin. Elle les a peut-être fait tomber cette nuit en partant. Trois clés. Ce sont peut-être les clés de son appartement. Je ne sais même pas où elle habite. Et vous? Non. Vous en avez pour longtemps ici? Les médecins m'ont parlé de plusieurs semaines. Attendez sur cette clé. 24-914. Nom de Dieu, c'est peut-être un numéro de boîte postale. Je vais faire le tour de tous les bureaux de poste, jusqu'à ce que je trouve. J'y vais, Myriam. Reposez-vous bien. Hein. Adressé à West Enterprise. Posté de Suisse. Des îles Caïmans. Anglo-Normande. 4 de Gibraltar. Que des paradis fiscaux. Qu'est-ce que je vous sers? Un expresso, s'il vous plaît. Des relevés bancaires. Waouh. Mais t'es richissime. Chère Madame Salander, je vous confirme par la présente l'achat de votre appartement à la date du 20 janvier dernier. Je vous envoie les copies de tous les documents et je conserve l'original. J'espère que vous aurez totale satisfaction. Merci. Acte de vente. Appartement au numéro 9, Fiskargatan, à Mosebacke, Stockholm. Coût d'acquisition, 25 millions de couronnes. 25 millions. C'est une blague. Fiskargatan, c'est juste à côté. Il est rentré dans mon appart. Putain, il va pas être déçu. Code désactivé? C'est pas possible. Activation de la caméra. Salut. Ah, Paolo. Mon pauvre, t'as une de ses têtes. Il est pas là, super Blomqvist? Non. Il est parti jouer au détective. Me demande pas où, j'en sais rien. J'arrive pas à le joindre. Je te présente Malou Eriksson. Bonjour. Malou, Paolo Roberto. Bonjour. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Ronald Niedermann. C'est lui qui a enlevé et massacré Myriam. T'as trouvé ça où? Quand on s'est battu, je voyais bien qu'il boxait comme une brêle. Mais j'avais quand même l'impression qu'il avait pris des coups. Alors j'ai envoyé des mails à des clubs de boxe, un peu partout en Europe. J'ai raconté ce qui s'était passé, et j'ai donné une description détaillée du gars. Ça a mordu. Cette photo a été prise dans un club de boxe à Hambourg. Il avait 18 ans à l'époque, il doit en avoir 35 aujourd'hui. L'entraîneur m'a expliqué qu'il n'avait pas pu le garder à cause d'une maladie. Un truc rare. Une analgésie congénitale. Une quoi ? Une analgésie congénitale. J'ai cherché sur Internet, c'est une maladie génétique. Ces terminaisons nerveuses font pas leur boulot. En gros, ce mec ressent pas la douleur. Ça doit être le rêve pour un boxeur, ça, non ? Au contraire. Si tu poses ta main sur une plaque brûlante, ça fait mal, alors tu l'enlèves vite fait. Mais avec cette maladie, tu te rends compte de rien. Jusqu'à ce que tu sentes l'odeur de la chair cramée. Alors t'imagines ? T'es tout le temps en danger de mort. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont ce truc meurent jeunes. J'appelle Mickaël tout de suite. Allô ? Mickaël ? Oui. C'est Malou. Ah. Paolo Roberto a identifié le géant blond. Bien. Tu es où ? Je peux pas te dire. T'as l'air bizarre. Qu'est-ce que tu disais ? Que Paolo Roberto a identifié le géant blond. Ok. Essaie de savoir s'il est fiché quelque part. Fameux rapport de 1991. Qu'est-ce que c'est ? Bjurman. C'est pas vrai. Il faut que tu saches me faire confiance, répète. Je vais t'apprendre les règles de ce jeu pour les grands. L'ordure. Avec moi, tu seras puni. Sois gentil avec moi. Au fait, je t'ai pas dit. Tu reviens ici samedi prochain. Mon Dieu, Lisbeth, pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je comprends tout maintenant. Toute l'histoire. Tu veux te venger et tu cherches ton père. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. 13e épisode avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Sofiane Kames, Refik Alba, Léonie Pinjot, Myriam Wu, Marie Payen, Erika Berger, Pauline Moulin, Malou Erickson, Reda Kateb, Paolo Roberto, Alain Rimoux, Nils Bjurman. Et les voix de Claire Latreille et Netta Lando. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. La musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.